10 ans d'enquête et un non-lieu. Un acte de justice qui ne résout donc pas le mystère de la mort de ce lieutenant-colonel, un agent de nos services secrets. Suicide, assassinat, toutes les hypothèses peuvent être encore envisagées. Toutefois, 23 ans après la mort de cet officier, il est peu probable que la vérité apparaisse enfin. Mais voulait-on vraiment que cette vérité voie le jour ? Rivalité entre services, insinuations, délire de la presse, pression sur la police, ont eu raison de l'acharnement de deux magistrats qui entendaient percer le mystère. C'est pourquoi j'ai demandé à M. X de rouvrir ce dossier. Un mot auparavant. Pour ne pas réveiller inutilement de vieilles blessures, et surtout pour épargner sa famille, mon interlocuteur a choisi de masquer le nom de ce lieutenant-colonel. Nous parlerons donc de l'officier Robert P. Un homme, proche de la cinquantaine, retrouvé mort au bord d'une route dans la neige du haut pays niçois. Un anonymat qui ne dissimule pourtant rien du contexte de l'affaire et des nombreuses questions qu'elle pose. Lorsqu'un agent secret en activité meurt dans d'étranges circonstances, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger. Et puis l'enquête qui suit fait l'objet d'une attention particulière des services. Oui, particulière voulait dire que ces services de renseignement verrouillent l'enquête, quoi. Bon, en tout cas, ils sont prompts à opposer le secret défense aux policiers et aux magistrats dès que ces derniers se montrent un petit peu trop curieux. Oui, alors c'est pourquoi le mystère demeure dans ce dossier. Hein. Naturellement. Parce que tous ceux qui ont eu à connaître cette affaire ont eu légitimement l'impression qu'on leur cachait quelque chose. Et ça, ça ne pouvait que permettre d'émettre des hypothèses, et les hypothèses les plus folles, bien sûr. Bon, on va peut-être y revenir, je vous le promets. Mais attendez, peut-être les faits, auparavant. Bon, et les circonstances matérielles de la découverte du cadavre du lieutenant-colonel en février 1983. Mmh. Il fait à peine jour lorsque deux employés des services de l'équipement, en tournée d'inspection, repèrent une auto arrêtée sur une aire de stationnement. Mais pourquoi ça leur paraît bizarre, ça ? Bah oui, l'endroit est particulièrement isolé. Et surtout, il y a beaucoup de neige qui est tombée l'avant-veille. Donc, cette auto en stationnement, ça les étonne. Et ce qu'ils voient ensuite, dès qu'ils s'avancent vers le véhicule, les surprend encore beaucoup plus. Un homme est couché sur le ventre dans la neige, sa tête est ensanglantée, et un gros revolver se trouve à peu près 2 mètres plus loin. Bien entendu, ces deux fonctionnaires ne touchent à rien et appellent la gendarmerie. Mais pour les premières constatations. Oui, alors voyons ça de plus près. Un élément très important d'abord. Autour du cadavre, la neige glacée semble immaculée. Pas d'empreinte de pas, pas de trace de lutte. Ce qui indique qu'il n'y a pas eu, en principe, d'intervention d'une tierce personne. Comme vous dites, en principe, oui. Encore que sur une neige glacée et un peu tassée, ces traces auraient pu ne pas apparaître. La voiture, ensuite. Les gendarmes notent des traces d'effraction sur une des portières avant, côté conducteur, je crois. L'autoradio est en marche et diffuse de la musique classique. Et tous les voyants du tableau de bord sont allumés. Celui de la jauge d'essence indique que le réservoir est vide. Ah oui, alors comme si le moteur avait tourné jusqu'à épuisement du carburant ? Oui, mais une autre constatation dément aussitôt cette hypothèse. Une vitesse s'est enclenchée. Ah oui. Par conséquent, si le moteur avait fonctionné, il aurait immédiatement calé. Voilà, c'est ça. Enfin, les gendarmes établissent sans difficulté l'identité du mort grâce à ses papiers d'identité et à sa carte professionnelle. L'homme est un lieutenant-colonel de la DGSE. Mais notre service de renseignement, hein. Et rapidement, l'enquête est confiée à la PG de Nice. Affaire sensible. En effet. Mmh. Et un officier du service ne tarde pas à débarquer. Pour suivre l'affaire Pour la superviser. C'est ce militaire qui ouvrira en particulier les coffres de Robert P. Et il subtilisera les documents qui ne regardent ni la police, ni le juge d'instruction qui va être désigné. Voilà, n'allons quand même pas trop vite. Les expertises d'abord. Elles vont apporter leur lot de surprises. Ah oui, parce que jusque-là, au fond, on aurait pu penser à un suicide. Hein. Ah, et c'est tout de suite ce qui venait à l'idée. Toutefois, plusieurs points vont, sinon infirmer cette hypothèse, mais au moins jeter le trouble. Les constatations du médecin légiste, d'abord. Il établit que le lieutenant-colonel a été tué par une balle qui est entrée par le bas du crâne et qui est ressortie à hauteur du front. Alors, attendez, de bas en haut, donc. Et par derrière. Mmh. Et ça, c'est surprenant, parce que, d'habitude, quand on se suicide, on se tire une balle dans la tempe, dans la bouche ou dans le cœur. Oui, mais toujours par devant, donc. Ah, bien entendu. D'autre part, l'expert, en étudiant les traces de poudre sur le crâne, établit que la balle n'a pas été tirée à bout touchant. C'est-à-dire que canon de l'arme n'a pas été plaqué sur le cuir chevelu, c'est ça ? Non, non. Quand l'arme a tiré, l'extrémité du canon se trouvait à peu près à 20 centimètres du crâne. Alors, faites l'expérience avec n'importe quel instrument de la longueur d'un revolver tel que le Smith & Wesson 357 Magnum retrouvé dans la neige. Une très grosse arme. Hein. En effet. Et voyez si vous pouvez simuler un tir derrière vous à 20 centimètres de votre crâne. Ouais, ouais, c'est quasi impossible, non? Oui, à moins d'être un spécialiste des contorsions. Donc, on s'oriente vers l'hypothèse de l'assassinat. Ça me semble logique, oui. Mm. Et puis, il y a la position du revolver à 2 mètres devant le corps. Il aurait fallu que dans un ultime réflexe, le lieutenant-colonel ait jeté l'arme devant lui avant de s'écrouler. D'après les experts, c'est très improbable parce que la mort a dû être instantanée. Et ils imaginent le scénario suivant. Étant donné la taille modeste de l'agent secret et la trajectoire de la balle, ils pensent que Robert P. a été tué alors qu'il était à genoux, tête baissée. Mmh. Et son assassin, alors, oui, se serait trouvé derrière lui. En effet. Mmh. Mais il existe quand même des moyens de savoir si un homme a été tué ou s'il s'est suicidé. Bah, les traces de poudre sur la main, oui. Mmh. À l'époque, on ne connaissait que le fameux test de la paraffine. Eh bien, on n'a trouvé aucune trace de poudre sur les mains du lieutenant-colonel. Ni sur les doigts, ni à l'intérieur de la paume. Oui, d'accord, mais il est tombé dans la neige. Ça aurait pu dissoudre les traces de poudre. Non, c'est improbable. Certains grains de poudre, certainement, mais pas tous. Parce que c'est un véritable petit nuage de poudre qui s'échappe de l'arme au moment où l'on tire. Surtout lorsqu'il s'agit d'un revolver. Et les grains de poudre s'incrustent profondément dans la peau. Tant et si bien qu'un simple lavage des mains ne suffit pas à les éliminer. Mmh. Alors, si je vous comprends bien, vous croyez, vous aussi, à la thèse de l'assassinat? Bah, je n'exclus rien. Mais admettez que tout cela est extrêmement troublant. Toutefois, poursuivons. Les experts en balistique ont longuement examiné le Smith & Wesson. Et ils ont observé que 3 balles avaient été tirées. Mm-hmm. Mais comment? Parce que dans le barillet, il restait 3 balles intactes et 3 étuis percutés. Des étuis, des cartouches vides. Oui, ça signifie donc que si Robert P. s'est suicidé, il a auparavant tiré à 2 reprises. Mais malgré les recherches effectuées par les spécialistes dans les environs à l'aide d'une poêle à frire, les balles n'ont pas été retrouvées. Mais attendez, ça peut aller très loin, une balle, hein. Oui, je suis d'accord avec vous, mais quand même, c'est étrange. Pourquoi l'agent secret aurait-il tiré 2 fois avant de se loger une balle dans le crâne? Ah, il aurait pu se rater les 2 premières fois. Hein. Puis étant donné la contorsion à laquelle il se serait livré, c'était pas impossible. Peut-être. Enfin, avouez que dans cette hypothèse, il n'a pas choisi la manière la plus facile pour se donner la mort. Ah, attendez, sauf s'il a voulu faire croire à un assassinat. Un suicide maquillé en assassinat. Et pourquoi pas? Ça s'est déjà vu, non? Des gens qui, je sais pas moi, ont voulu se venger de façon posthume, de leurs proches, de leurs employeurs. Enfin, il y a plein de possibilités. Bon, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas tout à fait exclure. En dépit de tous les arguments que j'ai déjà développés, j'y reviendrai. Toutefois, parlons encore une fois d'armes. Ce 357 Magnum, c'était l'arme de service du lieutenant-colonel. Mais d'après sa femme et ses collaborateurs, il était excessivement rare qu'il sorte avec ce revolver encombrant. Alors, s'il l'avait pris ce soir-là, c'est peut-être qu'il avait l'intention de s'en servir. Ou qu'il allait à un rendez-vous dangereux, ou encore qu'il avait des raisons de se sentir menacé, car il possédait aussi une autre arme, un Derringer. Vous savez, ces petits pistolets à 2 canons superposés qu'affectionnaient particulièrement les joueurs de poker. Dans l'Ouest américain. Ouais, oui. Pas très précis, mais très pratique, ces armes, parce que on peut les dissimuler en sa manche. Ouais. Bon, enfin bref, le lieutenant-colonel s'était procuré un Derringer. Il avait même demandé assez récemment à un ami policier de lui trouver un holster qu'il avait fixé sur la colonne de direction de sa voiture. Alors, vous pensez qu'il courait des risques, ou en tout cas qu'il en avait l'impression? Ça y ressemble, non? Mais dans son métier d'agent secret, n'était-ce pas normal? Non, parce que Robert P., ce n'était pas James Bond. Soyez plus précis, et puis c'est... C'est peut-être le moment de parler de l'homme et de sa carrière. Volontiers. Mmh. Mais avant d'en venir là, je voudrais vous donner un dernier élément d'expertise. Le ou les médecins légistes qui ont autopsié la dépouille de l'agent secret ont bien sûr recherché dans son crâne des traces de la balle mortelle. C'est bien le moins. Puis ça aurait permis d'établir un lien éventuel entre le 357 Magnum et le projectile. Évidemment, mais ils n'ont retrouvé que des débris métalliques. Ouais. La balle s'était brisée contre les os du crâne avant de ressortir. Oui, oui. Ouais. Et les morceaux étaient trop petits pour établir qu'ils provenaient d'une balle tirée par le Smith & Wesson. N'empêche qu'un peu plus tard, des experts ont analysé ces débris métalliques. Et ils ont découvert que leur composition différait notamment de l'alliage de plomb utilisé pour fabriquer les autres balles non percutées et retrouvées dans le barillet du revolver. Ouais. Alors, ça veut dire que le lieutenant-colonel aurait été tué avec une autre arme, hein? Ben, c'est ce que concluent ces experts. Et cela conforte forcément les tenants de la thèse de l'assassinat. Le journaliste Roger Louis Bianchini, auteur d'un ouvrage intitulé « Les 13 mystères de la côte », est convaincu que l'agent secret a été assassiné. Toutefois, pour expliquer pourquoi la composition des débris métalliques retrouvés dans le crâne de Robert P. diffère de celle des balles qui se trouvaient dans le barillet de son arme, il a consulté un expert, je le cite. Les spécialistes en armes appellent cela un panachage, c'est-à-dire le mélange dans le même barillet de balles en métal plus ou moins dures parce que destinées à des tirs différents. Mais le vrai problème, non résolu, tient au fait que 3 balles ont été tirées par cette arme puisque 3 étuis percutés se trouvaient dans le barillet. Ce qui est prouvé par l'expertise de la section balistique du laboratoire interrégional de police scientifique de Marseille, qui établit que les culots de ces 3 douilles présentaient les mêmes stigmates de tir. Pour un seul coup tiré, cela fait 2 de trop. Étant acquis qu'aucun projectile n'a été retrouvé, l'énigme reste entière, à moins que quelqu'un n'ait fait le ménage, ce que semble accréditer le témoignage recueilli auprès de l'un des enquêteurs qui m'a déclaré « Lorsque je suis arrivé sur les lieux, j'ai remarqué un panneau de signalisation percé de 5 ou 6 trous, des impacts de balles. Cela montrait qu'il y avait eu fusillade, mais, à ma connaissance, ce détail ne figure dans aucun procès verbal. » Alors, qui était ce lieutenant-colonel que vous avez choisi d'appeler Robert P. Bon, rapidement. Cet agent de la DGSE est le fils d'un militaire qui, alors en mission en Syrie, a été porté disparu. Quand, là? Pendant la Seconde Guerre mondiale, et sans doute au cours des combats qui ont opposé les militaires français entre eux. Oui, français libre contre français fidèle à Vichy, hein. Oui. C'est donc un orphelin qui rejoint la France avec sa mère. Et sans doute en pensant à son père, le jeune Robert choisit la carrière militaire dès l'âge de 18 ans. Bon, il n'y a là pas grand-chose à dire. Après avoir pas mal crapahuté en Algérie et dans les Dom-Tom, où il a rencontré son épouse, elle aussi fille de militaire, le jeune homme choisit de faire une école d'officier. Et au milieu des années 60, il est repéré par le SDEC. L'ancien nom de l'actuel DGSE. Oui. C'est ça, oui. Là encore, il voyage pas mal. Des missions en Asie en particulier. Mais finalement, à l'orée des années 80, il demande d'être affecté en France. Demande acceptée. Oui, on lui confie alors le poste de Nice. Mais attendez, je croyais que la mission de notre service de renseignement était exclusivement orientée vers l'étranger. Certes, mais Nice, c'est tout près de l'Italie. Il y fera d'ailleurs de nombreux séjours. Et puis, sur la Côte d'Azur, on trouve beaucoup de riches étrangers. Ouais, des gens éventuellement susceptibles de se livrer à des activités illicites. Exactement. Prince arabe, mafieux, terroriste, millionnaire libanais qui ont fui leur pays à cause de la guerre civile. Enfin, il y a de quoi faire. Un travail de surveillance, donc. Essentiellement. L'agent secret dispose d'un certain nombre d'informateurs qui ont leurs entrées dans les grands hôtels et lui rendent compte. Alors, enfin, je pense que c'est plutôt un poste tranquille. Apparemment, oui. Pourquoi apparemment? Parce que tout dépend de ce qu'il peut découvrir et des renseignements qu'il exploite. On peut rencontrer des gens très dangereux sur la Côte d'Azur et également en Italie. Faut pas oublier qu'on va découvrir là-bas l'existence de la loge P2 et ses connexions occultes avec les services secrets, l'extrême droite et la mafia. Alors, par conséquent, pour revenir à ce que vous disiez un peu plus tôt, il pouvait arriver qu'il affronte des situations périlleuses. Ouais, même si c'est rare. Mais plusieurs petits incidents, quelque temps avant sa mort, peuvent laisser penser que le lieutenant-colonel avait reçu des avertissements. Quoi, des menaces? Ça pouvait en être. Ouais, alors, par exemple? Séjournant une fois de plus en Italie, il se fait voler sa valise dans le coffre de sa voiture. C'est malheureusement banal de l'autre côté des Alpes. Hein. C'est juste. Mais peu après, c'était son portefeuille, bien garni, qui lui est dérobé dans un nightclub. Et ses secrétaires doivent se déplacer en toute urgence pour lui apporter de l'argent et lui permettre de payer sa note. En Italie, toujours. Il a une grave panne de voiture. La chaîne de distribution du moteur a cassé. Pour le garagiste, cet incident est incompréhensible, inexplicable dans le cas d'une voiture presque neuve. Oui. Mais encore? Un tout petit peu plus tard, dans une voiture couchette du Paris-Nice, sa mallette disparaît. et c'est le service de sécurité de la DGSE qui va la lui retrouver. Parce qu'à l'intérieur, il y a ses papiers. Ça fait désordre, hein. Bah, il est certain qu'à la piscine, on a du tort de l'année. Quoi qu'il en soit, tout ça fait quand même beaucoup. Ouais. Pourrait s'agir de simples coïncidences, ou bien encore de négligence de la part de l'officier. Après tout, il avait peut-être la tête ailleurs. Ah, bah, dans ce cas, c'est grave. Mais on en reparlera, parce que vous avez peut-être mis le doigt sur un aspect très sensible de ce dossier. Cependant, poursuivons. Autre point qui confirme que Robert P. était sans doute engagé dans une affaire sérieuse. Il a déclaré peu avant sa mort qu'il était sur un gros coup. Un gros coup. Et à qui a-t-il dit cela? Bah, d'abord un ami, puis un collègue de la DST, un commissaire. Mais ça, c'est plus troublant, hein. Et il n'en a pas dit plus. Non. Mais immédiatement, certains ont fait le rapprochement avec un événement qui s'est produit en Italie 24 heures avant la mort de l'agent secret. L'arrestation en Italie d'un espion soviétique d'importance. Un certain Victor Pronin, un type pincé alors qu'une taupe de l'OTAN lui remettait des microfilms. Et justement en Italie où se rendait souvent le lieutenant-colonel. En effet. Et bientôt, vous le savez, grâce à l'exploitation des documents que notre taupe au KGB, Farwell, a transmis à la DST, le gouvernement français va donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Et Mitterrand fera expulser une cinquantaine de pseudo-diplomates soviétiques. Hein. Qui étaient en réalité des espions. Alors, on peut se demander si le lieutenant-colonel a joué un rôle dans cette affaire. Exactement. Alors, l'enquête, maintenant, elle se déroule sous haute surveillance. Oui, surveillance de la DGS. Naturellement. Oui. Je vous ai déjà dit qu'une huile du service avait débarqué précipitamment à Nice. Et qu'il avait raflé une partie du contenu des coffres de l'agent secret. Oui, toutefois, il n'a pas tout emporté. Et la nature de ce qu'il a laissé à la police n'est pas tout à fait innocente. Il faut m'expliquer. Il y a d'abord un article de journal qui rend compte de la récente parution d'un livre, « Suicide, mode d'emploi ». Oui, un livre qui a connu un vrai succès. Alors je vois où vous voulez en venir. Hein. Cet article, curieusement rangé dans un coffre-fort, pourrait indiquer que l'agent secret envisageait de mettre fin à ses jours. Hein. Mmh. Et quoi d'autre? Des lettres d'amour adressées à une jeune femme, dont une en particulier qui commence ainsi. Mon amour, si tu dois ouvrir cette lettre, c'est que je ne saurai plus. Ton nom restera toujours dans mon tombeau, enseveli. Curieuse tournure, hein. C'est que Robert P. taquinait la muse. Ah bon? Et qu'il envoyait de nombreux poèmes à sa belle. J'ajoute que cette lettre est datée du 14 février. 14 février, la veille de la mort du lieutenant-colonel. Mmh. Et ça ressemble manifestement à une lettre d'adieu. Effectivement. Hein. Il n'y a pas de doute, il s'agit bien de l'écriture de l'agent secret. Et cette jeune femme a été identifiée? Oui, sans grande difficulté. Mais un petit peu de patience, si vous voulez bien. Il est clair, en tout cas, que ces documents accréditent la thèse du suicide et ça arrange bien la DGSE qui, manifestement, ne tient pas à ce que l'enquête aille plus loin. D'accord. Mais il faut quand même expliquer pourquoi il aurait choisi de mettre fin à ses jours. Ben, c'est bien sûr le point le plus délicat, car le juge d'instruction, lui, ne croit guère au suicide. Bah oui, il en tient pour la thèse de l'assassinat. Oui, c'est un homme têtu. Et puis il dispose de tous ces éléments matériels que vous avez développés. Et qui jettent un doute sérieux sur le suicide. Alors, la DGSE va argumenter, se livrer, selon moi, à une véritable construction. Une manipulation, vous voulez dire? Bien entendu. Et ça va aller dans deux directions. La première semble évidente. Robert P. est engagé dans une histoire d'amour sans issue. Parce qu'il a une femme, des enfants. Et c'est une situation qu'il vit très mal et qu'il supporte de plus en plus difficilement. D'autant que sa jeune maîtresse lui coûte très cher. Ah oui, parce qu'il lui donne de l'argent? Non pas. Mais cette femme a toujours connu la vie facile et même le luxe. Aussi, lorsqu'ils sortent ensemble, ils fréquentent les établissements, hôtels, restaurants ou boîtes de nuit les plus cotées. Mmh. Et le lieutenant-colonel ne dispose que de sa solde d'officier. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander comment il s'est débrouillé pour mener un tel train de vie. Alors, les fonds secrets? Je ne pense pas. Et puis, dans l'administration, on demande toujours des justificatifs. Alors, ça reste mystérieux. Et vous n'avez pas de réponse? Mais je continue. La DGSE a aussi avancé une autre explication pour justifier le suicide. Robert P. aurait été un agent secret médiocre. Et d'ailleurs, il allait être viré. Le talentueux journaliste et enquêteur Bernard Violet a publié un ouvrage sur le lieutenant-colonel, ouvrage qui a été interdit de publication après une plainte de la famille de l'officier de la DGSE. Violet, après une enquête sérieuse, a lui opté clairement pour la thèse du suicide, tandis que la famille a toujours cru à la version de l'assassinat, quoi qu'il en soit. le journaliste a recueilli un témoignage au sein de la DGSE et sans doute même au plus haut niveau, je le cite. C'était un incapable et nous avions décidé dès 1982 de le relever de son poste. On devait le rendre à l'armée son corps d'origine à l'été 83. Il n'était pas le seul. Nous avions établi une liste d'une vingtaine de noms, 23 je crois, dont il fallait se débarrasser pour cause d'alcoolisme ou d'incapacité. Chef d'antenne, il était rattaché au service de recherche de renseignements pour un secteur géographique déterminé, secteur métropole ou Europe, je ne sais plus. Son travail se limitait essentiellement à la fouille des hôtels de Nice et de Cannes. Et encore, pour les grosses opérations, on envoyait les agents de Paris. Il avait quelques contacts en Italie, mais je ne me souviens pas de fiches de renseignements importantes qu'il aurait transmises à Paris. Le lieutenant-colonel n'était donc plus au mieux avec la direction de la DGSE, c'est bien sûr. Non, il avait, paraît-il, beaucoup changé et buvait, exagérément. Et d'après le service, ce n'était pas sans rapport avec la liaison qu'il entretenait. C'est-à-dire? Bah, il avait tendance à négliger son travail. Pire, il mélangeait travail et amour. Mais comment? Il lui est arrivé d'effectuer des missions en Italie accompagné par sa maîtresse. Il lui a même fait confectionner un passeport de service. Un vrai faux passeport, si je comprends bien. Et ça permettait à cette jeune et jolie Libanaise de passer la frontière italienne sans avoir besoin d'un visa. Une Libanaise. Et apparentée à une richissime famille maronite émigrée sur la Côte d'Azur. Ouais. Oui, des gens qui ont fui le Liban à cause de la guerre. Hein. Bien sûr. Ouais. Et en 82-83, la guerre continuait là-bas. Hein. Mm-hmm. Alors, ne peut-on imaginer qu'en fréquentant cette jeune femme, le lieutenant-colonel faisait aussi son métier? En recueillant des informations sur le Liban? Pourquoi pas? La France était alors très engagée là-bas. Hein. Nous y avions même des soldats au sein de la force multinationale. Et cette jeune femme-là qui naviguait dans la bonne société libanaise pouvait lui fournir des renseignements intéressants. Ce n'est pas exclu. Mais le principal centre d'intérêt de l'agent secret pour cette splendide créature se situait ailleurs, si vous me pardonnez cette expression un peu triviale. Toutefois, c'est vrai que d'aucuns ont émis cette hypothèse et ont même prétendu que Robert P. avait découvert quelque chose touchant le Liban. Ah oui, ce gros coup dont il avait parlé, alors, ça aurait été quoi? Par exemple, un trafic d'armes au profit d'une milice ou encore une affaire de drogue. Faut pas oublier que ce trafic était l'une des principales sources de financement des partis libanais et de leurs bandes d'armées. Mmh. Oui, moi, tout ça me paraît assez crédible. Hein. Et le lieutenant-colonel, sur le point de révéler l'affaire à ses supérieurs, aurait été éliminé par ces trafiquants. Oui, rien n'est impossible. C'est quand même un peu dubitatif. Hein. Tant que je n'ai pas de preuves, je doute, en effet. C'est plus fort que moi. Et puis, il y a eu tellement de thèses, certaines parfaitement grotesques, d'ailleurs. Enfin, finissons-en, si j'ose dire, avec la belle Libanaise. Oui. D'un tempérament exalté, cette jeune femme qui avait déjà été mariée a d'abord subi avec un certain détachement les avances de son amoureux de lieutenant-colonel. Et puis, le temps aidant... Quoi, elle est tombée amoureuse? Je le crois, oui. Ouais. Malgré la différence d'âge et de situation? Oui. De l'avis de tous ceux qui l'ont connue, Robert Pitt est un homme charmant et cultivé. Un type auprès duquel il faisait bon vivre. Et il avait promis à cette jolie Libanaise qu'il divorcerait pour l'épouser. Tous deux s'étaient même livrés à un simulacre de fiançailles. Et plus officiellement, le lieutenant-colonel avait même demandé la main de la jeune femme au chef du clan familial. Il filait le parfait amour. Hein. Et même si la situation familiale de l'agent secret ne devait pas être facile lorsqu'il rejoignait le domicile conjugal, il n'y avait là aucune raison d'envisager un suicide, puisque sa maîtresse répondait ardemment à son amour. Pourtant, cette lettre d'adieu... Le lieutenant-colonel était parfois amené à vivre de façon périlleuse. Et puis, il se piquait de poésie. Au fond, c'est un romantique. Vous me parliez quand même d'explications fumeuses à propos de la thèse de l'assassinat. Oui. On a même évoqué la piste du Mossad. On évoque toujours le Mossad. Ouais, enfin, pourquoi les services israéliens auraient voulu liquider cet agent secret français? Ça, là, je vois pas bien. À cause du Liban, hein? Non, je n'y crois pas. Autre hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas sans rapport avec l'arrestation en Italie de cet espion soviétique. Robert P. aurait découvert une partie de la vérité sur l'attentat dont le pape Jean-Paul II a été victime en 1981. Vous parlez de la vérité à propos de l'identité des vrais commanditaires de cette tentative de meurtre, vous voulez dire? Oui, c'est ça. À première vue, ça paraît assez fou. Mais l'idée a germé après que le tireur Ali Aksa, eut envoyé de sa prison une lettre à l'attaché militaire états-unien à Rome. Lettre dans laquelle il affirmait qu'il y avait un lien entre l'attentat, les services soviétiques et la mort de l'agent français. Mmh. Et cette lettre a été réellement prise au sérieux? En tout cas, à ma connaissance, elle n'a pas donné lieu à de véritables investigations. Mais vous savez parfaitement que cette affaire de l'attentat contre le pape ressurgit régulièrement. Oui, oui, aux dernières nouvelles, d'après une commission parlementaire italienne, c'est le KGB qui est montré du doigt. Avec quelle preuve? Tenez, je viens de lire dans un récent ouvrage sur le Mossad que les services de renseignement israéliens auraient découvert le vrai commanditaire, l'ayatollah Khomeini en personne. Bon, alors, restons circonspects. Alors, oui. Autre tentative d'explication? Oui, la plus ridicule. Une coopérative agricole d'inspiration hippie ou écologiste s'était établie dans les Alpes de Haute-Provence. Ouais, Longo, quelque chose d'un... Longomaille, de l'Occitan, mais ne me demandez pas ce que ça veut dire. Les gens de Longomaille étaient installés en pleine nature, pas très loin du plateau d'Albion. Ah, les missiles du plateau d'Albion, c'est ça? Une des composantes de notre force de frappe, oui. Alors, quelques personnes mal intentionnées ont commencé à raconter que ces écolos n'étaient venus là que pour espionner. Et parmi leurs visiteurs, on avait remarqué la présence d'un diplomate soviétique. Tout cela était naturellement absurde et a été surtout colporté par la presse d'extrême droite. D'autant que l'un des dirigeants de cette communauté était le fils d'un ministre du gouvernement Mauroy. Oui, puis le rapport avec le lieutenant-colonel... J'y viens. J'ajoute aussi qu'on a prétendu que ces soi-disant hippies venaient d'acquérir une véritable flotte aérienne et construit une piste d'atterrissage. En réalité, c'est vrai. Ils possédaient un petit avion qui leur servait pour les traitements agricoles. Mais c'est tout. Alors, le lien avec l'agent secret, c'est très simple. Robert P. enquêtait sur Longomaille. Et comme il avait acquis la certitude que ces jeunes gens étaient vraiment des espions, ben, ils l'ont supprimé. Oui, c'est un effet assez grotesque. Hein. Mmh. Faut pas non plus exclure tout à fait la piste mafieuse. Le lieutenant-colonel aurait pu être en contact avec quelques parrains. Et ça pourrait expliquer qu'il disposait de pas mal d'argent pour... Il n'y aurait quand même pas jusque-là. En tout cas, moi aussi, cette histoire d'argent, ça me tracasse. Mais, pour l'instant, moi, je n'y vois pas plus clair entre la thèse suicide ou la thèse assassinat. Hein. Et la justice a fini par renoncer elle aussi, puisque le deuxième juge d'instruction s'est résigné à prononcer très tardivement un non-lieu. Alors, risquons une tentative d'explication. Vous l'avez compris, rien n'allait plus entre la piscine et le lieutenant-colonel. La piscine, c'est-à-dire la DGSE. Mmh. Et ça veut dire que le lieutenant-colonel se doutait qu'il allait être viré? Certainement. Mais peut-être pas pour les raisons que vous croyez. C'est-à-dire le désordre de sa vie professionnelle et sentimentale. Oui, et cet agent qui avait jusque-là été très bien noté, on a conçu un profond sentiment d'injustice. Peut-être même avait-il découvert des malversations ou des trahisons à l'intérieur du service, mais personne ne l'a écouté. Parce qu'on le prenait pour un minable, un has-been. Et pris d'une sorte de coup de folie, il a voulu se venger en mettant sa boutique en difficulté. J'ajoute, et ce n'est pas anodin, que malgré les apparences, ce bientôt cinquantenaire n'était pas en bonne santé. Que voulez-vous dire, là? Il avait des ennuis cardiaques. Sa maîtresse a confié que le jour de sa mort, peu de temps avant de prendre la route de la montagne, il avait avalé plusieurs comprimés de trinitrine. C'est un médicament pour calmer les crises d'angine de poitrine. Hein, et, oui, et lors de l'autopsie, on le trouvera aussi un très gros foie. Ouais. Donc vous insinuez là qu'il aurait peut-être eu le sentiment qu'il allait mourir. En tout cas, qu'il risquait d'être très diminué. Et dans la perspective de sa future vie avec sa Libanaise, ça devait l'inquiéter. En tout cas, à partir de là, il n'y a plus que deux hypothèses. Ou bien il s'est vraiment suicidé pour se venger, mais il lui fallait avoir des dons de contorsionniste, ou bien quelqu'un l'a aidé à mourir. Ah oui, un proche? Pourquoi pas? Il fallait que son suicide apparaisse impossible, pour vraiment poser des problèmes à la DGSE. Car je n'ose pas envisager une ultime hypothèse. Robert P., devenant embarrassant pour les chefs de la piscine, aurait tout simplement été liquidé. Mais dans ce cas, il existe suffisamment de spécialistes dans les services pour faire d'un assassinat, un suicide très convaincant. À vous de juger, après tout. Ah, un dernier mot. Je vous écoute, là. Malgré la conviction affichée des patrons de la DGSE que le lieutenant-colonel s'était suicidé, on a accordé à sa veuve une pension. Ah oui, alors, comme s'il était mort en service commandé. Exactement. Bizarre, non? Yves Bonnet, ancien patron de la DST, qui vient par ailleurs de publier un petit livre, Top Secret, sur les 50 plus belles histoires d'espionnage, évoque dans ses mémoires l'affaire du lieutenant-colonel. Et il donne bien sûr le point de vue de son ancien service. La DST a la conviction que le colonel travaillait sur des affaires importantes, impliquant notamment la colonie libanaise. Il donnait l'impression d'une grande ténacité dans ses investigations, concernant en particulier des trafics d'armes. Les raisons d'un meurtre, si l'on veut bien ne pas avaler aussi facilement la thèse d'un invraisemblable suicide, peuvent être trouvées dans le cours de ses activités. Telle n'a pas été la démarche suivie. Dès lors, que reste-t-il de cette histoire? Un officier manifestement sali par son service, qui manque à l'obligation de la solidarité et du moins, peut-on le penser, de la vérité, avec au bout une déontologie qui vole en éclats. Ce n'est pas une affaire d'État, certes, mais un homme est mort, peut-être en accomplissant son devoir, et qui ne méritait pas, pour tous ceux qui l'ont connu et estimé, de se voir avaler au rang d'un alcoolique, volage et grotesque. Bien que je ne l'ai jamais rencontré, je ne peux me défaire d'un certain malaise quand je retrouve, bien des années après sa mort, le souvenir de ce vieux soldat qui n'a peut-être eu que le tort de croire à ce qu'il faisait. Enfin, et ça n'a rien à voir avec ce qui précède, je vous signale la parution aux éditions Métayers de l'ouvrage qui a donné naissance au récent film Romanzo Criminale, un livre écrit par le juge Giancarlo De Cataldo qui, à travers l'histoire d'un gang romain, jette aussi un coup de projecteur sur les rapports entre la pègre et, par exemple, les brigades rouges.